se font de plus en plus longs, de plus en plus gris. Quand les filles s'étonnent de trouver des hommes couchés dans leur lit. Quelques mots d'amour.